Au carrefour d'une part de ses œuvres pour adultes de latin vivant, et d'œuvres plus ludiques ou pour débutants, et au cœur, d'autre part, du latin vivant européen, j'aimerais insister sur un roman traduit en 1997 par Françoise de Rennes, la rédactrice en chef de Mélissa, qui continue, nous l'avons vu, à traduire avec son époux Guy Licop les 6 numéros actuels d'Adolescence. Ce roman a été publié en 1936 par l'éminent égyptologue belge Jean Capard. Illustré de dessins et ou de reproductions en noir et blanc d'objets disséminés dans différents musées, ce roman raconte l'histoire de Makit, la reine des rats, à l'époque des pharaons, et il fait les délices des jeunes élèves de la Scola Nova d'Incourt. En outre, Françoise de Rennes a ajouté, à la fin de sa traduction, dans un précieux index, une liste de mots renvoyant à des réalités inexistantes à l'époque du latin classique, telles « photographia ». Et pour la plupart de ces termes, néologisme ou emprunt au latin médiéval, elle nous renvoie à divers ouvrages où le terme qu'elle emploie est attesté, parmi lesquels les ouvrages de Celestis Ehrenzer, un des spécialistes allemands du latin vivant. Ses traductions de deux des albums Tintin, cités plus haut, s'inscrivent dans un vaste ensemble d'œuvres ludiques traduites en latin. En voici quelques-unes. Le Petit Prince, déjà traduit par Augusto Auri en 1961, a été repris en 1997 par un Anglais, dans une version bilingue. Deux volumes d'Harry Potter, en 1997, par un Anglais également. Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir, traduit par un Canadien anglophone. Le Hobbit, traduit par un Anglais en 2012. Et déjà 25 albums d'Astérix, comme dans d'autres langues vivantes.